Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pendant deux heures pour une nouvelle émission en différé, nouvelle émission qui intègre quelques petites nouveautés, enfin je dis quelques, il y en a quand même sept, et pas des moindres. On retrouvera les ricains de Sanguisugabog, on retrouvera les Allemands de Imperium Decadence. Nous aurons une autre formation ricaine, un one-man band Disfiguring the Goddess, clairement une formation que j'ai dépoussiérée tout récemment, donc on va prendre le temps d'en reparler au long de l'émission, bien sûr de la nouveauté dans l'aspect française. Bienvenue donc toutes et tous, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On attaque tout de suite par une doublette de nouveautés, bon, en fait les premiers que j'ai cités. Tout d'abord, Sanguisugabog, nom de groupe absolument imprononçable, un logo absolument indescriptible. Et pourtant, la jeune formation qui nous vient de l'Ohio, active depuis seulement 2019, vient déjà de sortir son deuxième album studio. Voilà, tout fraîchement démoulé. Le Quatuor, au passage, est toujours chez Century Media. Un album bien rempli, 12 compos pour 45 minutes de death lourd, gras, voilà, dans une ambiance pathos death. Et violent, voilà, son ultra compressé. Et un doublette avec Sanguisugabog, Imperium Decadence, le groupe de Black Atmo, ambiance très très très gothique mélancolique, hein, qui sort déjà son septième effort studio, toujours chez Napalm Records. Le groupe est actif depuis 20 ans bientôt. Les deux mêmes membres sont à la tête du projet. Voilà, un black mi-atmo, mi, comme je disais, goth mélancolique. Des titres assez longs, hein, 5 à 8 minutes. Et le titre qu'on va s'écouter ce soir présente l'autre facette du groupe, avec vraiment son esprit black metal, puisque là c'est un des titres les plus frontales de l'album. Necrosexual Deviant, le titre de Sanguisugabog, extrait de l'album Homicidal Ecstasy. Imperium Decadence, ensuite Forest in Gale, extrait d'album Into Sorrow Evermore. Sur ce, bienvenue dans l'émission et bonne écoute. We'll be right back. Et doublette suivante, deux salles, deux ambiances, avec tout d'abord Blood Clot, ce All-Star Band du hardcore new-yorkais, avec des membres de Sick of It All, Cro-Mags et autres Madball, que nous allons retrouver en doublette avec Ominous Scriptures, formation peut-être un petit peu moins connue, parce que le groupe nous vient du Bélarus, c'est du Brutal Death, ils sont signés chez Willowtip, ils comptent dans leur rang deux Icos de Relics of Humanity. Autre groupe type Rouleau Compresseur, Brutal Slam Death venu du Bélarus, ce qui nous fait trois belles formations avec bien sûr Extermination Dismemberment. Et donc juste avant ça, Blood Clot, le groupe qui nous sort un nouvel EP, 7 titres pour 20 minutes, d'un hardcore traditionnel bien direct. Blood Clot, le titre Infectious, extrait de l'album de l'EP, Souls. Et ensuite Ominous Scriptures, la brutalité venue de l'Est, Mangled Perception, extrait de l'album Rituals of Mal's Self. Ignition, c'est parti. We'll be right back. doublette ténébreuse ensuite, Ahab et Die Dark Knight Shade, deux formations qui officient dans deux styles différents, mais qui ont pour point commun, comme je disais, hein, l'occulte. Tout d'abord Ahab, l'occulte abyssal, hein, toujours ce groupe de Funeral Doom venu d'Allemagne, avec une thématique sur les fonds marins. Un album assez différent de ce qu'ils ont pu proposer précédemment, hein, existant depuis une vingtaine d'années, c'est le cinquième effort studio. Ça reste toujours monolithique, hein, les titres assez longs, mais cependant une véritable alternance qui permet d'aérer paradoxalement l'ensemble, avec une alternance de voix bien gutturale et plutôt de nappes de chants clairs et mélodiques à côté. Et Die Dark Knight Shade, groupe de black grec qui remonte à 99. Voilà, troisième effort studio. À noter que c'est un duo qui s'est de nouveau accordé les services de Hans Grossmann, un frappeur mercenaire allemand qui est passé taper chez Obscura et Eterno les nécrophagistes au hasard. Voilà, ça donne une petite touche tech brutal death assez surprenante mais intéressante dans la musique de Die Dark Knight Shade. Et vous allez voir, c'est pareil, entendre surtout, le travail des voix est assez impressionnant. Ahab, le titre The Sea of a Desert. Alors, évidemment, c'est une version un peu raccourcie. On vous invite à écouter le titre en entier via nos podcasts demain soir ou simplement auprès du groupe directement. Extrait de l'album The Coral Tombs, Die Dark Knight Shade, Noxious Witchery of the Titan, extrait de l'album Liber Lucifer, To Maapraila, une sortie World Terror Committee, c'est parti. We'll be right back. On continue à dérouler la diff avec For I Am King maintenant, le groupe de Melodeath Metalcore qui nous sort son nouvel effort studio intitulé Crown. C'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué à diffuser ce type de groupe, hein. C'est vrai que bien personnellement, sorti de Heaven Shall Burn et autres, c'est pas forcément une scène qui me nous attire. Voilà, mais toujours dans notre volonté de chercher un peu plus loin, ce qui nous a vraiment intéressé dans le travail de For I Am King, c'est le fait que la formation néerlandaise comptait dans ses rangs une vocaliste qui est super efficace dans ce qu'elle fait. D'origine iranienne, voilà, c'est toujours la volonté de mettre en avant ces scènes que l'on connaît moins et le talent des personnes issues de ces pays non occidentaux. Voilà, l'album s'inscrit dans la lignée des recettes musicales des Black Dahlia Murder et, comme déjà cité, Heaven Shall Burn. Et en doublette avec For I Am King, Cryptic Carnage, un groupe qui nous vient de l'île Maurice, voilà. Encore une fois, une nouvelle étape dans la recherche de formations underground et qualitatives. Le groupe est actif depuis une dizaine d'années. Voilà, le tout premier album a vu le jour en fin d'année 2022. On est sur un death assez frontal, old school dans les influences, qui vont chercher jusque dans les premiers Cannibal et autres Deicide. Et en même temps, une petite touche trash death pour dynamiser la recette globale. Voilà donc pour la doublette à venir, For I Am King, le titre Trojans, et ensuite Cryptic Carnage, le morceau sobrement intitulé Massacre, extrait de l'album Scepters of Torment, c'est parti. Yes! L'aspect française, une autre doublette de nouveautés. Free Road, tout d'abord, groupe de heavy hard qui nous vient du Mexique, actif depuis 5 ans. Ils sortent là leur premier album studio via un des labels qu'on affectionne tout particulièrement, un Dying Victim Production. C'est probablement la diffusion la plus soft de la playlist de ce soir, une recette classique old school et très bien exécutée. Inspiré d'un hard des années 70 et d'un heavy plus proche de ce qu'on aurait pu trouver au milieu des années 80, complètement inspiré par la scène anglaise de l'époque. Les compos font 3-4 minutes, c'est classique, efficace et même tubesque. En doublette avec Free Road venu du Mexique, nous allons découvrir ensemble Strike Each Other, groupe de hardcore qui nous vient d'Ukraine. Actifs depuis maintenant une quinzaine d'années, ils viennent de sortir un nouvel EP 6 titres, 3 nouvelles sorties et 3 autres qui étaient sortis en fait sous forme de single et qui là viennent d'être compilés. Voilà, c'est le 3ème EP pour Strike Each Other, vous allez voir c'est ultra mouse musicalement parlant. C'est vraiment très très sérieux ce petit groupe qui rigole zéro. Free Road, Do What You Feel, extrait de l'album du même nom. C'est une nouveauté, c'est sorti chez Dying Victim. Strike Each Other, le sobre Crash, extrait de l'album The Final Mixtape. Et non, rassurez-vous, il y en aura d'autres par la suite. C'est parti. We'll be right back. Et c'est dorénavant l'heure d'attaquer l'aspect française, Inherit the Void, puis Achiavel. Inherit the Void, c'est un one-man band de Black Mellow qui nous vient de Clermont-Ferrand, actif depuis seulement 2 ans, et il sort déjà son second album studio, prolifique, hein, d'inspiration Mellow Black suédois des années 90, Coucou Dissection et Sacramentum. Et on retrouve également beaucoup de connotations de la scène française plus récente, type Regarde les hommes tombés et Déluge. C'est rageur, c'est mélancolique et c'est surtout hyper bien maîtrisé. En doublette avec Inherit the Void, Achiavel, le groupe de death metal français actif depuis 2018. Déjà 3ème LFOR Studio 2 disponible, pareil aussi prolifique que Inherit the Void. 10 titres pour 40 minutes d'un death qui va vraiment piocher dans les scènes old school et modernes. C'est une vocaliste derrière le micro qui arrache magistralement bien. Elle est passée notamment faire des sessions sur le groupe de brutal death français Anthropophago. Voilà, à suivre de près aussi Achiavel. Inherit the Void, on s'écoutera le morceau Crimson Slumber, extrait de l'album The Impending Fall of the Stars. Achiavel, Souls of War, extrait de l'album Veni, Vidi, Vici.